Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou au conducteur atteint d'une affection pouvant entraîner une incapacité fonctionnelle qui pourrait compromettre la sécurité routière. La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par la préfecture est prise suite à l'avis d'un médecin agréé. L'avis adressé au préfet peut contenir des mentions restrictives sur le permis. C'est le cas pour des troubles de la vision, l'épilepsie, le diabète, etc. Un test de conduite peut être demandé par la commission médicale. Réponse A et C.